Chapitre 19e. Les aspirations de Bibert étaient certainement trop élevées. Au lieu de briguer l'honneur d'entrer dans la police, il aurait dû, simplement, se faire auteur dramatique, et il eût obtenu, sans contredit, de grands succès dans cette modeste carrière. Il eût excellé à construire le plan d'une pièce, à trouver ce qu'on appelle au théâtre des situations, et personne n'eût osé rivaliser avec lui pour tout ce qui concerne la mise en scène. Il désire que Savary, le héros principal de son drame, arrive à se trahir et à se démasquer, et il croit avoir trouvé le moyen d'y parvenir en lui mettant dans les mains l'instrument qui a servi à commettre le crime. C'est la situation principale, celle qu'on attend avec impatience, car le dénouement doit en découler. Comme il l'a fait attendre habilement, comme il la prépare avec art. Dès les premiers actes de la pièce, cette situation pouvait se présenter, mais alors elle ne produisait aucun effet scénique. Savary, sur ses gardes depuis son arrestation, Savary, qui se méfiait de tout et de tous, prenait le poignard sans sourciller, l'examinait, le soupesait, et le rendait tranquillement à son propriétaire. Bibert a laissé plusieurs mois s'écouler. À force d'intelligence et de ruse, il inspirait une entière confiance à Savary. Par de bons procédés et de bonnes paroles, il a pu adoucir son caractère difficile, et par l'amour sérieux qu'il a su lui mettre au cœur, il est parvenu à amollir et à dompter sa nature énergique. Voyez encore comme il a bien choisi le lieu de la scène, le café anglais. En effet, n'est-ce pas au café anglais qu'Albert Savary a dîné, une heure avant l'assassinat de Maurice Vidal? Si c'est lui qui a commis cet assassinat, n'éprouvera-t-il pas une première commotion en se retrouvant dans ce lieu où il a dû, sans aucun doute alors, méditer et préparer son crime? Comme le moment aussi est propice pour cette épreuve décisive, Savary a vu Julia dans la journée. Pour la première fois, il lui a parlé de son amour, il lui a ouvert son cœur, il a crié, il a pleuré, il a souffert. Ses nerfs surexcités se sont détendus, ses forces sont moins vives, il se trouve fatalement dans une de ces dispositions physiques et morales où l'on n'a plus d'initiative et où l'on subit toutes les influences et toutes les impressions. À 6h30, Bibert faisait son entrée au café anglais. On l'introduisit aussitôt dans le cabinet qu'il avait retenu depuis la veille, celui que la fashion se plaît à appeler le Grand 16. En attendant l'arrivée de ses convives, il fit quelques préparatifs importants. Par son ordre, on plaça sur la table des fleurs qu'il venait d'acheter et qu'il avait choisies parmi celles qui répandent le plus de parfums. Bibert, qui avait tout étudié, croyait à l'action des fleurs sur le système nerveux. Il mit aussi un grand soin à commander les vins. Il les voulait capiteux, mais non pas excitants. Enfin, il fit doubler le nombre des bougies et veilla surtout à éclairer la place que devait occuper Savary. À 7h, Madame Vidal, Savary et Bibert étaient réunis et se mettaient à table. La conversation languit d'abord. Il ne pouvait pas en être autrement. Chacun des convives apportant ce dîner de graves préoccupations. Mais bientôt Bibert, plus maître de lui, chassa toutes les pensées qui auraient pu nuire au but important qu'il se proposait d'atteindre et dirigea la conversation à son gré. Pendant le premier service, elle fut légère, variée, presque gaie. Puis, elle eut une teinte plus mélancolique. Au dessert, on aborda des sujets sérieux. On se prit à soutenir des thèses morales et philosophiques. Bibert, pour être à la hauteur de la circonstance, avait appelé à son secours ses souvenirs, ses premières études religieuses, les théories plus ou moins paradoxales émises par son protecteur, le marquis de X. Enfin, toute l'expérience qu'on acquiert dans un commissariat de police où la plupart des plaies sociales et des infirmités morales défilent tour à tour. Il développa certaines idées nouvelles qu'il était censé avoir apportées d'Italie sur l'organisation des prisons, le système cellulaire, le régime des bagnes. Les choses, il passa aux individus et s'entretint avec Savary de plusieurs criminels célèbres, français ou étrangers, dont les procès l'avaient intéressé. Il manifesta le désir d'assister à une séance de cour d'assises et demanda s'il ne jugerait pas bientôt quelque affaire intéressante. « Vous ne pouvez pas vous figurer, disait-il avec bonhomie, en se tournant vers ses deux convives, combien j'ai toujours été curieux de toutes ces choses. J'ai lu la plupart des causes célèbres des différents peuples et tous les mémoires qui ont paru sur la police. » Puis, s'adressant directement à Savary, « Savez-vous pourquoi vous m'avez été tout de suite sympathique? Je ne m'en doute pas. C'est bizarre, c'est ridicule, j'en conviens, et vous m'en voudrez. Non, je vous le promets. Eh bien, mon cher, votre nom m'était familier, agréable à prononcer. Ils ne diffèrent que par l'orthographe du nom d'un des plus célèbres ministres de la police, René Savary, rue de Robigo, dont je dévore dernièrement les intéressants mémoires. Je suis un original, moi. Que voulez-vous ? Les gens me plaisent par de petits côtés. C'est fort heureux pour moi, qui n'en ai que de petits. Vous en avez de grands, je les ai découverts plus tard, mais c'est votre diable de nom qui m'a séduit d'abord. Il ne m'a jamais rendu un plus grand service, dit gracieusement Savary. Vimer salua et continua avec sa volubilité habituelle. Ah, la police, les procès, les assassinats, c'est mon fort. Je ne vous apprends, du reste, rien de nouveau. Depuis que je vous connais, est-ce que je ne vous demande pas tous les jours de me faire visiter vos prisons, votre palais de justice ? À propos, vous savez, je ne vous ai pas attendu, vous n'y mettez pas assez d'empressement. Je suis allé ce matin, avant déjeuner, faire un tour de ce côté-là. De quel côté ? Du côté de la conciergerie, de la Sainte-Chapelle, du palais de justice, parbleu. Je n'y pouvais plus tenir, et ma foi, j'ai satisfait mon caprice sans vous, monsieur mon cicérone. Eh bien, qu'avez-vous vu ? Tout, absolument tout. Je m'étais adjoint un guide, dont j'étais fort content, un brave homme d'une cinquantaine d'années, avec des médailles sur la poitrine. Oui, je descendais de voiture sur le quai et je regardais d'un air ébahi les grosses tours de la conciergerie, lorsque mon homme s'est dit « Voilà un étranger, un badaud, un imbécile, c'est mon affaire, je vais le piloter et le rançonner. » Il est venu à moi et m'a offert ses services. J'acceptais avec empressement et comme il a des intelligences dans la place, il m'a conduit à peu près partout. J'ai vu la salle des pas perdus, une des chambres de police correctionnelle, la salle où se tient la cour d'assises et la fameuse tour où était enfermée Marie-Antoinette. C'est fort curieux, très curieux. J'étais si content que je ne voulais plus me passer de mon guide et qu'il m'avait pris de son côté en belle passion. Ah, je lui dois une fameuse acquisition, allez. Une fameuse acquisition, répéta Savary, qui, avec l'autorisation de Madame Vidal, venait d'allumer une cigarette. Oui, une fameuse acquisition, reprit Vibert, vous allez voir. Toujours en compagnie de mon guide, je montais depuis un instant les escaliers, j'en descendais, je traversais des couloirs. Je parcourais en un mot tout le palais de justice, lorsqu'au beau milieu de cette intéressante excursion, j'avis tout à coup une porte entrebâillée. « Où conduit cette porte ? » demandai-je. « Dans une salle dépendant du greffe. »« Ah, et que contient cette salle ?»« Beaucoup de papiers, des dossiers de toutes sortes, et particulièrement ce qu'on appelle au palais les pièces de conviction, c'est-à-dire les différents objets qui figurent dans un procès criminel. » L'arme dont s'est servi l'accusé, le chapeau qu'il a perdu dans sa fuite, le mouchoir ensanglanté qu'on a retrouvé sur lui, quelquefois les vêtements de la victime, la montre volée, enfin, tous les objets dont messieurs les juges ou messieurs les jurés peuvent avoir besoin pour se faire une conviction. Au moment du procès, et suivant les besoins de la cause, ces différentes pièces sont transportées du greffe au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises. « Mais, demandai-je, poursuivi par le même besoin de m'instruire. Lorsque le procès est jugé ou l'affaire terminée, que deviennent les différents objets dont vous parlez ? Quelques-uns, sur une autorisation donnée par le parquet, sont rendus à leur propriétaire ou à sa famille. D'autres sont vendus. Vous comprenez bien, monsieur, ajouta mon guide, que le palais de justice tout entier ne serait pas assez vaste pour contenir les objets de cette sorte qu'on y entasse depuis des années. Et quand ont lieu les ventes dont vous parlez ? Demandai-je avec intérêt. À certaines époques fixées d'avance. On en fait justement une en ce moment, où, tout près d'ici. Ma foi, m'écriai-je, je suis curieux de voir cela. J'achèterais bien quelque chose qui aurait appartenu à un grand criminel. Rien de plus facile, monsieur, si vous voulez bien me suivre. Je ne me le fis pas répéter. Je suis mon guide, et un quart d'heure après, j'étais possesseur d'un objet très curieux, ma foi. Un bijou volé, demanda Savary en lançant une bouffée de fumée. Oh, mieux que cela. Quelques vêtements ayant appartenu à un malheureux envoyé au bagne ou à l'échafaud ? Non pas, non pas. J'adore les curiosités, mais je veux en même temps qu'on puisse s'en servir, qu'elle n'ait pas un aspect difforme ou repoussant. Un Anglais n'y regarde pas de si près. Il donne des paquets de banknotes pour un vieux bout de cigare qui a été pressé par des lèvres illustres. Mais je ne suis pas Anglais, moi. Je sais mêler l'utile à l'agréable. Utile et dulci, comme dit le poète, voyez plutôt. Et brusquement, sans autre préparation, il tendit à Savary le couteau qu'il tenait depuis un instant sous la table et qu'il avait ouvert, tout en parlant, sans qu'on s'en aperçût. Julia, pâle et tremblante, la moitié du corps penché sur la table, regardait. Bibert, en remettant le couteau, s'était levé. Ses deux mains étaient appuyées sur le dossier d'une chaise et derrière son pince-nez au vert bleu, il observait aussi. Mais il observait froidement, prêt à saisir les moindres changements dans la physionomie de son adversaire. Il avait défendu, depuis un instant, à son cœur de battre et son cœur ne battait plus. Les garçons avaient fini leur service et s'étaient retirés. On n'entendait que le bruit sourd des voitures sur le boulevard. Enfin, on allait donc, peut-être, savoir la vérité. Si Savary était le meurtrier, il paraissait impossible, dans les dispositions où il se trouvait, habilement préparé, comme il l'avait été, qu'il n'arrivait pas à se trahir par un geste, un cri, un tressaillement quelconque, à la vue de cette arme qui lui rappellerait son crime de la façon la plus matérielle et la plus vivante. Savary manifesta d'abord une certaine répugnance à prendre le couteau qu'on lui tendait. Mais après l'avoir examiné avec soin, il le replaça sur la table en disant « Je ne vous conseillerais pas, si vous étiez attaqué, de vous servir de cette arme. Elle est en bien mauvais état. » Bibert resta confondu. Tous ses calculs étaient dérangés, ses plans renversés. Il en était pour ses frais de dîner au café anglais et de mise en scène. Depuis 3 mois, il perdait son temps. Il travaillait en pure perte. Il courait sur une fausse piste. Il y avait vraiment là de quoi se désespérer. En faisant ces réflexions, l'idée lui vint de savoir quelle impression avait ressenti Julia. Il se retourna de son côté, tandis que Savary, sans plus s'inquiéter du couteau resté sur la table, s'était levé et allumait une seconde cigarette à l'un des candélabres placés sur le piano. Julia n'avait pas changé d'attitude, seulement elle était moins pâle depuis un instant et une sorte de triste sourire errait sur ses lèvres. On aurait dit qu'elle était indifférente au mauvais résultat obtenu. C'en était trop pour l'irascible Vibert. Quoi ? Tandis qu'il se désespérait, sa compagne, sa complice, celle qui était encore plus intéressée que lui au succès de l'épreuve tentée, ne se désespérait pas avec lui. Il était vaincu, et au lieu de le plaindre, on pouvait croire, en la regardant, qu'elle se réjouissait presque de sa défaite. Une telle injustice le révolta, mais au lieu de l'abattre, elle lui inspira tout à coup le désir de prendre sa revanche. « La partie n'est pas encore perdue, se dit-il. L'épreuve que je viens de tenter a été incomplète. Il est possible que dans un moment de fureur et d'exaspération, un meurtrier se serve de la première arme venue sans même la regarder et qu'elle ne lui rappelle par conséquent ensuite aucun souvenir. Je vais compléter l'épreuve. » Il rejoignit Savary, causa pendant un instant avec lui de choses indifférentes, lui prit le bras, fit quelques tours dans le salon et le ramena peu à peu devant la table à la place qu'ils avaient précédemment quittée. Ainsi, lui dit-il alors, en s'asseyant à ses côtés et en désignant le couteau resté sur la table, « Cette arme que j'étais si heureux d'avoir achetée ne pourrait, d'après vous, d'être aucune utilité. Je ne le pense pas. La pointe en était moussée. Regardez vous-même, » répondit Savary. « En effet, » dit Vibert, en paraissant se livrer à un sérieux examen. « Cela s'explique facilement du reste, » ajouta-t-il. « Cette pointe, en pénétrant dans le corps de la victime, aura rencontré quelques côtes. Quoi ?» demanda vivement Savary. « On aurait réellement frappé quelqu'un avec cette arme ?» Et le coup a été mortel, répliqua Vibert. Qui vous a dit cela? Mais mon cicérone, parbleu! Croyez-vous que j'achète des objets de ce genre sans me renseigner sur leur origine et leur provenance? Ce couteau est historique, et je connais sur le bout du doigt son histoire. Il était la propriété d'un jeune homme mort assassiné au mois d'octobre dernier à Paris, rue de la Paix numéro 6. Savary fit un brusque mouvement. Vibert continua. Ce jeune homme s'appelait... Attendez... Le nom va me revenir. Il s'appelait Maurice Vidal, dit Savary. Ce fut au tour de Vibert à faire un mouvement de surprise. Vous connaissez cette affaire? Demanda-t-il. Je m'y suis trouvé directement mêlé, répondit Savary. De quelle façon? On m'accusait d'être l'assassin de Maurice Vidal. Vous? Oui, moi. Aussi, lorsqu'on m'avait brusquement parlé de ce crime, mon émotion a-t-elle été extrême. Tenez, j'ai même encore de la peine à m'en remettre. « Je dois être pâle comme un mort. Ayez la bonté de me passer cette carafe. » Vibert obéit. Savary but une gorgée d'eau et reprit. « Si vous saviez que d'ennui, que de chagrin m'a causé cette affaire, croyez-vous que j'étais arrêté, traîné en prison ?»« Ce n'est pas possible !» s'écria Vibert. « Hélas, ce n'est que trop vrai. J'ai comparu devant un juge d'instruction, j'étais au secret, j'ai eu les menottes, c'est l'usage de la police en France. Oui, On a beau être calme, ne pas se défendre, aller où l'on vous ordonne d'aller, on vous met tout de même les menottes. C'est une mesure de prudence. » Il continua en se tournant vers Julia. « Excusez mon émotion, madame. Je reconnais qu'elle n'est pas de mise à la fin d'un dîner et devant une femme, mais lorsque je songe à toutes mes souffrances, je ne suis plus maître de moi. » « Si j'avais pu me douter, » dit Vibert, « croyez bien, mon cher monsieur. » Il s'arrêta au beau milieu de ses excuses et dit avec un naturel parfait. « Pourrions-nous savoir comment vous êtes tiré de tout cela ?»« En prouvant le plus clairement du monde, » répondit Sabarin, « que je ne pouvais pas être le coupable. » « Mais comment est-il venu à l'idée d'un magistrat de vous soupçonner, vous ?»« Mon Dieu, tout simplement parce que j'avais été en relation suivie avec Maurice Vidal 2 jours avant sa mort. »« Mais c'est affreux !» s'écria Vibert. S'il arrivait qu'on vous assassinât cette nuit, c'est moi qu'on soupçonnerait de ce crime, parce que j'ai passé la soirée avec vous. Certainement, si on ne découvrait pas le véritable assassin, vous auriez des chances pour être arrêté. Je vous conseille de vous méfier, dit Savary, moins pâle depuis un instant. La justice est bien bizarre, fit remarquer l'agent de police. Pas autant que vous croyez. Elle fait son devoir, après tout, et voyez qu'elle ne tarde pas à relâcher ceux qui sont innocents. Mais c'est égal. J'ai bien souffert, et vous avez ce soir ouvert une blessure à peine cicatrisée. » Il parlait depuis un instant avec calme, avec mesure, sans emportement. Il y avait une sorte de mélancolie répandue sur toute sa personne et des pleurs dans sa voix. Tout à coup, il étendit la main sur la table, saisit le couteau qui était resté déposé, et après l'avoir longuement considéré en silence, « C'est donc avec cela qu'on t'a tué, » dit-il, « pauvre Maurice Vidal. Tu n'étais pas mon ami. » J'avais eu avec toi de tristes discussions d'intérêt. Oui, toi, l'homme probe par excellence, l'homme arrivé à force de travail, d'énergie, d'honnêteté. Tu n'avais pas voulu comprendre certaines difficultés de ma vie, certaines impossibilités matérielles et morales d'être ce que tu étais. Tu t'es montré envers moi sévère, raide, injuste, peut-être. Ah, je ne t'en veux pas, Maurice Vidal. Je te plains de tout mon cœur. Je te pleure de toute mon âme. Tu avais la jeunesse, la richesse, la force. Il a suffi d'une seconde pour te ravir tout cela. Il a suffi d'un coup porté avec cette arme qui ne ressemble même pas à une arme. » Il s'arrêta un instant et reprit sans regarder Julia et Vibert. « Ah, si l'homme qui t'a frappé avait connu certains détails de ta vie, comme je les ai connus moi, à la suite de cette déplorable affaire, s'il avait su que tu aimais, que tu étais aimé, que tu attendais le lendemain ta chère compagne, peut-être son bras aurait-il tremblé. Et le coup qu'il t'a porté ne t'aurait-il pas atteint? Pauvre garçon, pauvre femme. » Savary se tut, et de grosses larmes coulèrent le long de ses joues. Au même instant, Julia, qui avait le courage de se contenir jusque-là, mais que toutes les émotions de la journée avaient brisées, que les dernières paroles de Savary avaient achevées, éclata tout à coup en sanglots. Le premier mouvement de Vibert fut de courir à elle, mais il crut que cette subite explosion de douleur avait besoin d'explications, et se tournant vers Savary, « C'est notre faute aussi, » lui dit-il en affectant la brusquerie. « Nous avons été trop dramatiques. Depuis 1 heure, nous parlons de meurtre, d'assassinat. Vous vous attendrissez. Moi, j'ai la bêtise de me laisser empoigner, et elle, elle a ses nerfs. Parbleu, on les aurait à moins. » Savary ne répondait pas. Il regardait pleurer Julia sans s'approcher d'elle. « Allons, » reprit Vibert, désir de mettre fin à cette scène. « Ce que nous avons du mieux à faire maintenant, c'est de nous séparer. » Et de nous promettre mutuellement d'être plus gais à l'avenir. » Il sonna, demanda une voiture et reconduisit Madame Vidal chez elle pendant que Savary s'éloignait de son côté. Dans l'état où se trouvait Julia, Vibert ne voulut avoir avec elle aucune explication. Il la remit entre les mains de Marietta et sortit. Quelle explication du reste aurait-il pu avoir? Quelle preuve nouvelle possédait-il de la culpabilité de Savary? Il avait espéré produire un grand effet. L'effet avait été produit, il avait dépassé ses espérances. Savary ne s'était pas contenté de pâlir et de trembler, il avait pleuré. Il avait donné tous les témoignages de l'émotion la plus vive, la plus réelle. Mais cette émotion pouvait s'expliquer facilement, et Vibert se trouvait pris dans son propre piège. Il s'était procuré le plaisir de faire de la mise en scène, de développer outre mesure la sensibilité de son adversaire, d'amollir son cœur, de le disposer au sentiment. Quoi de plus naturel alors que Savary se fût laissé attendrir au souvenir d'une affaire où il s'était trouvé si directement mêlé et dont il avait eu si cruellement à souffrir. Sa pâleur, ses larmes, son émotion ne témoignaient pas de son crime, Elles attestaient seulement que les soupçons conçus contre lui, son arrestation, les heures passées en prison, lui avaient fait au cœur une blessure encore saignante. En voulant confondre Savary, Vibert lui avait, au contraire, procuré l'occasion de se faire connaître sous un jour plus favorable. Cet homme, qu'on avait cru jusque-là léger, banal, incapable peut-être d'un bon sentiment, s'était tout à coup montré sérieux, impressionnable et réfléchi. Il s'était attendri au souvenir de la mort de Maurice Vidal. Il avait fait l'éloge de celui qui avait été un instant son ennemi. Il avait payé un tribut à sa mémoire et mêlé ses larmes à celles de Julia Vidal. En faisant ces différentes réflexions, qui ne laissaient pas que de la tristesse profondément, Vibert se dirigeait à pied vers son ancien domicile de la rue de l'Arbre Sec, dont il n'avait eu garde de se dessaisir. Il n'était pas fâché de redevenir pour un instant le vieil homme d'autrefois, de se dépouiller de la défroque du comte de Rubigny, qui lui avait si peu profité, enfin de se retremper dans les souvenirs d'une vie sinon joyeuse, du moins uniforme et paisible, que lui rappelait sa chambrette du cinquième étage. « Tiens, monsieur Vibert, » dit le concierge en le reconnaissant, « il y a bien longtemps qu'on ne vous a vu. »« J'étais à la campagne, » dit l'agent de police. « Est-il venu quelqu'un pendant mon absence ?»« Non, monsieur, on n'a apporté que cette lettre. » Vibert prit la lettre qu'on lui présentait. Elle portait l'entête du commissariat de police du premier arrondissement, section des Tuileries, et l'était conçue en ces termes. « Mon cher Vibert, du temps où vous étiez employé dans mes bureaux, vous avez dû vous occuper un jour, pendant mon absence, d'un repris de justice nommé Langlade, et d'une grande fille rousse, connue sous le sobriquet de Soleil Couchant. On aurait besoin à la préfecture de renseignements que vous seul pouvez donner sur ces deux individus, et je vous serais obligé de passer le plus tôt possible à mon cabinet pour que je puisse rédiger de concert avec vous la note qui m'est demandée. X. J'irai demain matin, avant de retourner à l'hôtel des Princes, se dit Vibert en mettant la lettre dans sa poche et en montant son escalier.